الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، أحبتي الكرام، الإنصاف ميزة الأشراف، l'équité est une caractéristique des nobles, et les nobles sont une minorité. L'équité est une qualité perdue dans la umma de Muhammad alayhi salatu wa salam. Wa sadaqa man qal, wa lam tazal qillatu al-insaf qatibatan bayna ar-rijal wa in kanu dhawi rahimi. L'équité, mes frères, veut dire la justice, al-adl, la bienfaisance, al-ihsan. L'équité veut dire suivre Shar'ullah, la législation d'Allah Ta'ala, et ne pas suivre Al-Hawa. L'équité veut dire la science et non l'ignorance. قال أبو الهلال العسكري في الفروق اللغوية: الإنصاف هو إعطاء النصف، والعدل يكون في ذلك وفي غيره. ألا ترى السارق إذا قطعت يداه قيل إنه عدل ولا يقال إنه إنصاف. أبو الهلال العسكري رحمه الله يقول: la justice peut-être dans l'équité ou dans une autre chose en dehors de l'équité. N'as-tu pas vu, quand on coupe la main d'un voleur, on ne dit pas que c'est une équité, mais on dit c'est une justice. Donc, l'équité, c'est une chose, et la justice, c'est une autre chose. Et dans l'équité, celui qui est équitable, il est juste. Alors que la justice, on peut l'utiliser pour quelqu'un d'équitable, et on peut l'utiliser pour autre chose. L'équité est donnée à chacun son dû en disant ce qui est utile de dire. Et le manhaj dans l'équité, al-insaf, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son prophète alayhi salatu wa salam. Un homme ne peut pas être à la fois transgresseur, oppresseur et en même temps doué d'équité. Et en même temps, il ne peut pas être doué d'équité. Qala ta'ala: وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. الله donne l'exemple de deux hommes. L'un d'eux est muet, dépourvu de pouvoir, et totalement à la charge de son maître là où il se dirige. Il ne rapporte rien de bon. Est-ce qu'il est égal à celui qui ordonne la justice et qui est sur le droit chemin? Ahibbatil kiram, la jalousie est une chose, est une maladie pour celui qui a une équité. Qala subhanahu wa ta'ala: Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah commande l'équité, Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, le blâmable et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Sachez, ahibbatil kiram, que le manhaj qu'il faut avoir pour juger les choses et pour juger les avis des hommes et adapter le comportement adéquat envers eux nécessite deux choses. Nécessite le savoir, l'ilm, et l'équité. Et l'équité. La connaissance de la chose permet d'arriver à la réalité. Et l'équité permet de juger sans se baser sur Al-Hawa ou les passions. L'équité rapproche le croyant de la piété, At-Taqwa. قال المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Et que la haine que vous avez pour un peuple ne vous pousse pas à ne pas être équitable. Soyez équitable, ceci est plus proche de la piété. Ne sois pas, Akhil Karim, poussé par les gens à ne pas être équitable envers tes frères. Et ce qui empêche l'être humain d'être équitable, c'est les passions. Al-Hawa. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَا أَن تَعْدِلُوا. Et ne suivez pas les passions pour que vous puissiez être juste, pour que vous puissiez être équitable. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche. Le prophète alayhi salatu wassalam nous exhorte à l'équité. Il nous dit le meilleur jihad est de dire une parole véridique face à un sultan oppresseur. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. Le prophète alayhi salatu wassalam était équitable dans toutes ses affaires, dans toutes les choses de sa vie. Et dans l'application de la sharia, il jure par Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, il jure par Allah, si Fatima, fille de Muhammad, avait volé, je lui couperais la main. Donc si l'équité et la justice sont appliquées, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sera triomphée. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sera triomphée. Wa qala an-nabiyyu alayhi salatu wa salam, unsur akhaka zaliman aw madhluma. Fa qala rajul, ya rasul Allah, ansuruhu idha kana madhluman, afara'aita idha kana zaliman kayfa ansuruhu? Qala, tuhjizuhu aw tamna'uhu 'an adh-dhulm, fa inna dhalika nasruhu. Le prophète alayhi salatu wa salam il a dit: secours ton frère qui soit injuste ou victime d'injustice. Un homme a dit, je lui porte secours s'il subit une injustice. Et si c'est lui qui commet l'injustice, comment je lui porte secours? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tu l'empêches d'être injuste, ceci représente son secours. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, inna al-muqassitina inda Allahi ala manabirim min nur. عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والحديث رواه مسلم. والمقسط هو العادل. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. ورحم الله ورضي الله عن أبي بكر حينما قال والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه من القوي. Et que Allah fasse miséricorde et que Allah soit satisfait de Abu Bakr رضي الله عنه lorsqu'il a dit: et le faible parmi vous est fort auprès de moi jusqu'à que je lui prenne sa part auprès du fort. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نتحلى بهذه الصفة العظيمة وهي الإنصاف وأن لا نتعصب للرجال وأن لا نتعصب للمذاهب وأن لا نتعصب لأي من كان وأن نتجرد للحق. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. Certaines personnes sont tombées dans l'erreur en s'appuyant sur les dires des hommes et rejetant le dalil. Ils sont sortis de la voie des compagnons et des tabi'in et ils ont suivi leur passion sans science. Ils se sont donc égarés du droit chemin. وهذا في الاعتصام. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وأن ينصر دينه وأولياءه والمجاهدين في كل مكان وأن ينصر من أعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إنه ولي ذلك والقادر عليه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والحمد لله رب العالمين.